Chapitre 14. Dans son long récit, le colonel n'avait rien dit du désir qui lui avait été exprimé par son père relativement à un mariage avec Thérèse. À quoi bon parler de ce projet avant de savoir s'il était réalisable? Or, sa réalisation dépendait de lui seul. Il était donc inutile d'en entretenir les autres avant d'avoir décidé en lui-même le parti qu'il prendrait. Avant tout, il fallait savoir s'il pourrait aimer sa cousine. Puis ensuite, il faudrait voir si celle-ci serait disposée à se laisser aimer par lui et à répondre à cet amour. Jusqu'au jour où son père lui avait fait part de ses dernières volontés, ou plus justement de ses dernières intentions, le colonel n'avait guère pensé au mariage, ou tout au moins son esprit avait envisagé cette idée à peu près comme celle de la mort. Il se marierait un jour, comme il mourrait un jour. Cela arriverait dans un avenir indéterminé, en tout cas lointain. Mais depuis cette communication de son père, il avait dû serrer d'un peu plus près cette idée de mariage, et par le fait seul de l'examen, elle avait pris une forme sensible et s'était rapprochée de lui. Ce n'était plus à une époque indécise et confuse qu'il devait se marier, mais à une date qu'on pouvait prévoir à peu près et qui ne dépasserait pas quelques années. À dire vrai, il désirait que cette date fût plutôt éloignée que rapprochée. Il ne s'ennuyait point d'être garçon. Il était même souvent heureux de se sentir libre, libre dans sa vie, dans son esprit, dans son cœur. Qui pouvait savoir ce qu'il trouverait dans le mariage? Il n'avait point de dynastie à continuer, et le nom de chamberlain pouvait s'éteindre avec lui, sans que cela fît un vide dans l'humanité. D'un autre côté, il n'avait point à chercher dans un mariage des arrangements de fortune ou de position. À la femme qu'il choisirait, il ne devait donc demander qu'une seule chose, mais cette chose, il y tenait absolument, et il était parfaitement décidé à ne se marier jamais, s'il ne la trouvait pas telle qu'il la voulait. Cette chose, c'était l'amour. Il fallait qu'il aimât celle qu'il épouserait, et il fallait qu'elle l'aimât. L'ambition, la fortune n'étaient rien pour lui. La promesse du bonheur était tout. Il savait parfaitement, il n'avait pas eu besoin des paroles de son ami Pompéran pour cela. Il savait que l'éclat de sa fortune adoucissait singulièrement les regards des jeunes filles qui se fixaient sur lui, et que plus d'une n'était disposée à trouver tous les mérites à ses millions. Mais justement, ce n'était point avec ses millions qu'il voulait adoucir et séduire celle vers laquelle il serait entraîné par un sentiment naissant. Ses millions même ne devaient être pour rien dans cette séduction. En un mot, il voulait être aimé pour lui-même. Sans doute cela était bien troubadour, bien ridicule, il en convenait volontiers. Mais il prétendait que sa fortune, qui lui donnait tant de droits, devait encore lui donner celui-là. Tous les plaisirs, il pouvait les acheter. Tous ses désirs, il pouvait les satisfaire. Mais aimer, être aimé, la fortune n'y pouvait rien. Jusqu'à un certain point, elle pouvait provoquer l'amour, ou tout au moins un semblant d'amour, dans une âme de jeune fille. Mais à son cœur à lui, elle ne pouvait pas donner une pulsation nouvelle, plus vive et plus chaude. Qu'une jeune fille le fît battre, ce cœur, qu'elle allumât en lui un amour sincère, et quelle qu'elle fût, ouvrière ou princesse, elle devenait sa femme. Thérèse serait-elle, cette jeune fille? L'aimerait-il? Elle-même, l'aimerait-elle? Ce furent les questions qu'il examina en revenant à son hôtel après avoir conduit son oncle à la gare de Vincennes. Les boulevards étaient déserts, les omnibus avaient cessé leur service, et seuls quelques fiacres couraient cas un cas sur la chaussée, regagnant leur dépôt. Sur le trottoir, de rares passants marchaient rapidement, tandis que le long des maisons closes, des sergents de ville allaient lentement, deux à deux, faisant leur ronde. Si, pendant la journée, il avait pu, au milieu de la foule et des voitures, s'absorber dans le souvenir de Carmelita, il put encore bien plus librement, à cette heure, dans le silence et la tranquillité, penser à Thérèse, qu'il venait de quitter après être resté longtemps près d'elle. La nuit était calme et douce, étoilée dans un ciel profond, et il y avait vraiment plaisir à aller droit devant soi sur l'asphalte poli. Les idées se suivaient sans secousse et sans interruption. L'aimerait-il? La question ne se posait plus devant son esprit maintenant dans les mêmes conditions qu'autrefois. Autrefois, lorsqu'il avait réfléchi à ce sujet, il avait trouvé qu'il n'y avait guère qu'une raison pour amener ce mariage. C'était celle qui résultait du désir exprimé par son père mourant. tandis qu'il y avait toutes sortes de probabilités qui, se réalisant, devaient l'empêcher. Quelle était donc cette Thérèse que son père, sans la connaître, voulait lui donner pour femme? Un laideron, peut-être. Pourquoi ne serait-elle pas une enfant désagréable ou grossière? Dans cet ordre d'idées, tout était possible, et ce n'était point se faire l'esclave de préjugés que de croire qu'une jeune fille, née et élevée dans le milieu où le hasard de la naissance l'avait placée, ne pourrait pas être sa femme. Maintenant il l'avait vue, et les probabilités dans le mauvais sens ne s'étaient pas réalisées. Elle n'était pas un laideron, il s'en fallait de tout. Déjà charmante au contraire et pleine de promesses. Elle n'était ni désagréable ni grossière, et par suite d'un concours bizarre de circonstances, le milieu dans lequel elle avait grandi n'avait point exercé une influence mauvaise sur son éducation. Par ce qu'il venait de voir, d'apprendre, d'entendre, il avait la preuve qu'Antoine Chamberlain était bien tel que son père le lui avait représenté, homme de cœur, de raison, de générosité et de droiture, et l'on devait admettre que ses qualités, il les avait transmises à son enfant. Mais à côté des exemples qu'elle avait trouvés auprès de son père et qui devaient faire d'elle une honnête femme, elle avait en plus reçu les leçons de son oncle qui lui avait donné l'instruction d'une fille bien élevée. Car, chose curieuse, cet homme, qui avait manqué sa vie et qui enfermait sa paresse dans la dignité du silence, avait eu cependant le bon sens et le courage de s'occuper de temps en temps des deux enfants qui grandissaient près de lui et de les faire travailler quand il était en train. Il est vrai que cette instruction n'était nullement brillante, mais elle avait pourtant une certaine étendue et surtout une solidité qui, pendant cette longue soirée, s'était montrée plusieurs fois. Telle qu'elle était, cette petite Thérèse, on pouvait donc l'aimer. Sans doute, elle n'avait pas produit sur lui une impression qui ressembla en rien à l'amour, mais en tout cas, elle n'avait pas produit non plus le plus léger sentiment de répulsion. Elle avait de sérieuses qualités, et dès maintenant, il était évident qu'elle serait bientôt une femme agréable. Il n'était donc pas impossible qu'elle fît naître alors en lui cet amour qu'il voulait avant tout trouver dans son cœur. Ce jour venu, s'il venait jamais, l'aimerait-elle? Cette seconde question s'imposait à son esprit, non moins importante que la première et en tout cas plus difficile à examiner. S'il pouvait analyser et mesurer l'impression que Thérèse venait de produire sur lui, il ne pouvait par contre savoir celle qu'il avait produite sur Thérèse. Leur rencontre même avait eu un côté grotesque, peu fait pour inspirer l'amour. Ne le verrait-elle pas toujours tel qu'il lui était apparu, la fourchette à la main, embarrassée devant un fourneau? Resterait-il toujours pour elle un cousin? Sur ce point, le doute était entier. Comme il n'était point de ces superbes vainqueurs qui croient qu'ils n'ont qu'à paraître pour éblouir, il trouvait tout naturel que Thérèse, dans cette soirée, n'eût point paru troublée, et qu'elle fût restée avec lui une bonne petite fille, simple et naturelle, une cousine. La seule chose qui eût pu lui fournir un indice eût été de savoir si au moins elle avait le cœur libre, et si cet élève Antoine, ce garçon aux yeux sombres, ce Michel qui vivait dans son intimité, n'était pour elle qu'un ami. Mais rien n'avait pu l'éclairer. Et c'était même un peu pour examiner cette situation qu'il avait accepté l'invitation de son oncle. À la campagne, en tête à tête avec Thérèse, il trouverait bien sans doute l'occasion d'apprendre ce qu'il voulait avant tout savoir. Il l'interrogerait, et s'il ne voulait pas parler, il regarderait. Comme il rentrait à l'hôtel, il trouva Horace qui l'attendait dans l'attitude impatiente et affairée d'un homme qui a des choses graves à dire. « Eh bien, qu'est-ce que tu as ?» demanda le colonel. « Je te vois ta figure des grands bavardages. »« Mon colonel n'a pas lu les journaux ce soir ?»« Non, je n'en ai eu ni le temps ni le désir. »« Alors mon colonel ne sait rien ?»« De ce qu'il y a dans les journaux, non, assurément. »« Mais il n'a rien appris dans les maisons où il a été, non ?» Eh bien, votre adversaire de l'autre nuit, M. Amenzaga, votre voleur, enfin, a été volé. On lui a pris tout ce que vous aviez eu là, la bonté, la générosité exagérée de lui laisser. On s'est introduit dans la chambre de l'hôtel qu'il habite, on l'a bâillonné dans son lit. Comme il a été surpris au milieu de son sommeil, il n'a pas pu pousser un cri. Alors on a ouvert ou forcé ses serrures, et on lui a enlevé tout ce qu'il vous avait volé. Puis on l'a laissé bâillonner dans son lit, on a refermé la porte de sa chambre, et l'on est tranquillement sorti par la grande porte de l'hôtel. Le tour était joué même, il faut le dire, proprement joué. Sait-on qui a joué ce beau tour que tu admires? Ce que j'admire, c'est que votre voleur ait été lui-même volé. Je suis content qu'il ne profite pas de votre argent. Par malheur, il en profitera peut-être, car on a arrêté un homme qu'on croit le voleur de votre voleur, et si on retrouve l'argent, on le rendra à votre filou, qui lui ne vous le rendra jamais. Au reste, si monsieur veut lire les journaux, je les ai tous achetés pour lui. » Le récit d'Horace était exact, ou tout au moins conforme à celui des journaux. Cependant, le colonel eut un détail que son domestique avait omis, comme insignifiant, et qui jeta le trouble dans son esprit. Ce qu'il y a de caractéristique dans ce vol, c'est qu'il s'est produit dans des conditions à peu près semblables à celui qui a été commis il y a 3 semaines chez M. Despoudelan. M. Amenzaga a été volé à la suite d'une soirée dans laquelle il avait gagné une somme considérable. Comment, par qui a-t-on su que ces messieurs avaient gagné ces sommes, et cela assez vite pour les voler dans la nuit même où ils avaient joué? La justice pourrait bien trouver une réponse à ces questions, car celui qui l'a arrêté est soupçonné d'avoir fourni les indications nécessaires pour commettre ces vols. C'est un de ces hommes sans profession qui vivent on ne sait comment, ou plutôt, on ne le sait que trop, dans le monde interlope. Celui-là se nomme Anatole. Bien entendu, il soutient qu'il est innocent. Anatole. Ce fut ce nom qui troubla le colonel. Mais il s'efforça de chasser cette idée qui avait frappé son esprit. Il y avait à Paris, vivant dans le monde interlope, comme disait le journal, bien des gens sans doute qui s'appelaient Anatole.